confondu, me suis-je une nouvelle fois perdu. Il faut l'écrire pour que j'apprenne. Je tire la feuille sous la lumière, sous mon regard qui se consume. L'arnais que feu vous ferait ressembler. Si ça dit des doigts me descendent, je les agrippe les mains nues sur la feuille blanche. Poème, poème, indigne poème, poème quand même. Poème, poème, indigne poème, poème quand même. Toute ma journée je l'ai passée à me mettre dans l'embarras pour soutirer du monde ingrat. De bonnes chances pour saliver ou un poignard sur mon âme ou le temps battant sur ma tempe. Pour me débarrasser du trop de cet infiniment idiot, de cette effroyable gangrène. Je dois entamer la rengaine au pied de la noire fontaine qui est la bouche des salauds. Poème, poème, indigne poème, poème quand même. Poème, poème, indigne poème, poème. Le cœur qui s'agit sur les lignes que je triture et de ratures en rature. Dans un flou d'encre continu d'un trait de plus en plus géant, j'ouvre l'abîme. Poème, poème, indigne poème, poème quand même. Poème, poème. Indigne poème, poème quand même. Indigne poème, poème.